devant tout ça qui passait, les hommes te doué corriger. Yo ouais, yo existé, mais pour yo, ça pas jamais. Apocalypse, apocalypse. L'homme capable de faire la guerre, Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse. Mes compatriotes, mes compatriotes. Chacun a pris sa baille en pile la peine. Les cigarettes qui n'ont pas oublié. Mes amis, vous qui connaissez nous. Matin, Marie, sous quel cas où? Si mes dames marchent comme nous. Si la vie pour nous profiter, si nous pas connaît qui la nous qu'à mourir. Chacun a pris sa baille en pile la peine. Les cigarettes qui n'ont pas oublié. Mes amis, sous quel cas son marché quand où madame Marie Bougie quand où jouis la vie nous consolez nous résignez nous ces jours qu'a passé la cap courir jouis la vie nous résignez nous consolez nous Bougie Bougie Bougie quand nous dis mesdames marché quand nous son souké quand ou madame Marie Bougie quand ou si garçon marché quand ou Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boog